Merci d'être venu nous écouter et je voulais aussi vraiment remercier l'intervenant précédent qui m'a vraiment rassuré sur le fait que nos exposés n'allaient pas vous perturber par d'éventuelles contradictions, mais qui au contraire a dit déjà des choses que j'estimais importantes à dire, que je craignais de manquer de temps pour les dire. Et donc du coup, peut-être j'ai plus de chances d'arriver au bout de mon exposé dans les temps, grâce à lui. La seule chose, c'est ce qu'il a dit sur les sociologues, qu'il a assimilé un petit peu aux personnes qui étudient les inégalités scolaires, un petit peu plutôt d'un peu loin, avec des approches plutôt statistiques, sans forcément s'intéresser au processus. Bon, lui-même a donné des exemples de sociologues comme notamment Bernard Lahire ou même Mathias Millet, qui au contraire sont attentifs. Il y a une partie des sociologues qui essayent de combiner justement des approches statistiques, mais fondées beaucoup sur des enquêtes de terrain, des enquêtes par entretien, par études de cas, etc. Et bon, je fais plutôt partie de ces sociologues. Peut-être d'ailleurs en lien avec le fait que j'ai été longtemps psychologue avant d'être sociologue. Donc ça, j'en dirai juste un mot tout à l'heure. Et de même qu'il faudra que j'explique un tout petit peu le rapport un peu particulier que j'établis entre les travaux sociologiques et puis les questions pédagogiques. Voilà. Je prendrai quelques secondes, quelques minutes pour ça. Et justement, parce que mes recherches, toute ma trajectoire et mes expériences de praticien, psychologue, pédagogue, souvent en parallèle avec les moments où j'ai effectué des recherches sociologiques, donc font que j'ai une sorte de focalisation un peu particulière sur cette idée que les inégalités sociales de réussite scolaire sont effectivement liées à un tas de facteurs sociaux extérieurs à l'école, aux inégalités sociales existant dans la société, mais qu'il y a aussi de très grandes sources de variations de ces inégalités scolaires, des réussites, des échecs scolaires, qui sont liées aussi tout simplement aux ressources pédagogiques, et qu'une partie des variations de réussite entre les élèves d'un même groupe social peuvent aussi en grande partie s'expliquer par le fait qu'ils ont eu des occasions différentes d'apprendre dans des contextes pédagogiques différents, avec des enseignants différents, et que c'est aussi une très grande source de variation quand on fait des études de cas, on s'en aperçoit rapidement. Mais ça peut disparaître si on en reste à des moyennes, effectivement, selon l'origine sociale. Donc, je vais commencer quand même par rappeler quelques faits concernant les inégalités sociales de réussite scolaire, mais je vais pouvoir aller effectivement plus vite grâce à l'intervention précédente. J'essaierai justement d'aller plus vite pour faire une sorte d'approche systémique de différents facteurs en jeu dans les variations d'inégalités scolaires en France, en tenant compte des travaux les plus récents qui montrent certaines particularités des résultats des élèves français, des acquis des élèves français tels qu'ils apparaissent dans les évaluations nationales et internationales. Mais j'essaierai aussi de passer assez vite sur la question justement des variations liées à des facteurs pédagogiques en m'intéressant aux enseignants, au point de vue des enseignants, aux perceptions des enseignants concernant les bons, les mauvais élèves, qu'est-ce qu'ils perçoivent, comment ils l'interprètent. Voilà, j'essaierai de mettre un petit peu l'accent là-dessus pour avoir un point de vue d'ailleurs assez compréhensif de leur perception et avec la question de justement, même si effectivement on peut constater que les enseignants ont souvent des perceptions un peu fatalistes vis-à-vis de l'échec des élèves de certains milieux, la question c'est pourquoi ils ont cette perception et à quelles conditions on peut effectivement réussir à la faire évoluer. Voilà, c'est un des points sur lesquels j'essaierai d'insister. Et pour cela, je m'appuierai en particulier sur une recherche récente qui a été d'ailleurs en grande partie organisée dans le Nord-Pas-de-Calais et aussi dans l'Académie de Créteil et en lien avec des collègues d'autres ESPE, INSPE maintenant, sur la formation et les premières années d'enseignement à l'école primaire en particulier pour justement comprendre comment évoluent les perceptions des enseignants débutants et leurs pratiques, notamment vis-à-vis de leur façon d'appréhender les difficultés des élèves. Voilà, ça sera là. Et tout ça pour essayer d'en tirer quelques idées, quelques leçons sur les possibilités d'influer sur ces processus, notamment dans le cadre des formations. Mais je vais commencer justement par quand même dire quelques mots sur les particularités de ma trajectoire, dont j'ai déjà donné un petit aperçu, et qui donc explique cet alliage un peu particulier chez moi entre approche sociologique et pédagogique. Donc au départ, je ne devais pas du tout être sociologue, hein, j'ai été près de 20 ans psychologue, et j'avais fait aussi des études de mathématiques qui m'ont amené à avoir très vite l'occasion de travailler sur les difficultés en mathématiques, même que déjà quand j'étais étudiant, même lycéen un petit peu déjà. Et donc en fait, c'est comme si avant même de devenir sociologue, j'avais fait beaucoup d'études de cas, mais en étant en observation participante, on va dire, sur des évolutions d'élèves. Des évolutions, donc qu'est-ce qui fait que des élèves sont en échec, qu'est-ce qui peut aider à surmonter leurs difficultés. Voilà, c'est des choses que j'ai travaillées pendant plus de 20 ans et que j'ai retravaillé encore récemment dans des recherches actions, tout en effectuant des recherches sociologiques plus classiques, hein, mais en essayant de faire des va-et-vient entre les deux sources de réflexion. Donc là, juste deux mots sur les deux plus longues expériences que j'ai effectuées. Il y en a d'autres en fait, hein, mais bon, ce serait un petit peu long. Donc peut-être la plus importante, celle qui avait peut-être été la plus décisive pour me sensibiliser à cette question des inégalités sociales de réussite scolaire, c'est celle que j'ai effectuée dans un centre social d'un quartier urbain très défavorisé, hein, avec beaucoup de familles immigrées, de parents très peu scolarisés, etc. Et où des collégiens venaient faire leurs devoirs. Et l'autre, encore plus longue expérience, là, parallèlement donc, à mes recherches sociologiques, c'est 20 ans d'exercice à mi-temps dans un centre médico-psychopédagogique où mes collègues me confiaient volontiers tous les cas d'échecs scolaires, puisque eux étaient plus intéressés par la dimension psychanalytique, hein, qui d'ailleurs m'intéressait aussi initialement. Mais voilà, moi j'ai volontiers accepté de m'intéresser aux situations d'échec des élèves dans ce cadre, en m'appuyant justement sur mon expérience antérieure dans un centre social qui m'avait fait constater que, en créant de très bonnes conditions d'encadrement des élèves, hein, puisque ces collégiens pouvaient venir trois ou même parfois quatre fois par semaine, il y avait 2 heures d'ouverture, il y avait un bon taux d'encadrement, des gens comme moi qui étaient stables et qui étaient souvent en troisième cycle universitaire. Donc c'était des conditions très privilégiées. Et j'ai mis longtemps à le comprendre d'ailleurs, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'autres expériences d'aide aux devoirs, etc., qui n'ont pas du tout les mêmes effets. Mais en tout cas, bon, le résultat principal que je résume, hein, c'est que une fois bien rodé ce fonctionnement d'aide aux devoirs dans ce cadre, au bout de quelques années, on s'est aperçu qu'en fait, aucun des élèves qui fréquentaient ce club à que devoir n'était en échec. Enfin, il n'y avait plus aucun redoublement. Ils passaient tous en seconde générale, alors qu'à l'époque, c'était encore une minorité d'élèves qui y passaient, et surtout dans ces milieux-là. Et donc, voilà pourquoi ça a créé chez moi, bien que je sois devenu sociologue, un rapport un peu particulier à cette question des variations possibles de réussite scolaire. Après, selon le milieu social. Après, en travaillant comme psychologue avec des enfants en échec scolaire, avec des troubles de différents milieux, j'ai eu le sentiment que finalement les processus étaient quasiment les mêmes pour des élèves de milieux relativement favorisés, mais en échec scolaire. Finalement, les processus d'échec, de découragement, de comparaison, même avec les frères ou sœurs qui réussissent, etc., avaient un peu les effets que vous avez décrits et produisaient des inhibitions, des difficultés qui pouvaient tout à fait être surmontées, mais à des conditions qui étaient quasiment jamais réunies en classe. Et donc ça aussi, c'est une des choses qui m'a poussé vers la sociologie. C'est de m'apercevoir qu'effectivement, au-delà d'un certain degré de difficulté pour les élèves, la classe n'est plus du tout un milieu favorable à une régulation de ces difficultés, alors qu'elles sont tout à fait surmontables, mais à condition de prévoir d'autres modes d'encadrement, une disponibilité un peu plus grande, des techniques d'étayage, hein, aussi, qui sont encore peu travaillées dans les formations d'enseignants. Voilà, donc tout ça pour expliquer pourquoi, tout en étant sociologue, j'ai accordé une attention particulière aux questions d'ordre pédagogique, on va dire. Alors, oui, ça s'est traduit d'ailleurs par le fait que, même en devenant sociologue, j'ai passé beaucoup plus plus de temps à faire des études de cas d'élèves, à suivre longuement des élèves, à étudier leurs dossiers scolaires, à les interroger, à interroger leurs parents, leurs enseignants, etc., pour comprendre justement les processus en jeu hein, dans les variations de réussite scolaire, et en privilégiant d'ailleurs les cas où la réussite scolaire variait beaucoup. C'est ça, les cas les plus instructifs, c'est quand on étudie des cas d'élèves, soit qui étaient en échec et qui progressent nettement, soit au contraire qui décrochent à un moment donné alors qu'ils étaient en réussite précédemment. C'est en étudiant très précisément ce genre de cas qu'on apprend beaucoup justement sur les facteurs en jeu dans les variations de réussite et où on peut cerner la combinaison des facteurs sociaux et pédagogiques justement dans ces variations de réussite. Donc moi, en tant que formateur, oui, parce que j'ai oublié de le préciser, mais peut-être, je ne sais plus si ça devait apparaître, j'encourage beaucoup hein, mes étudiants que je suis en mémoire de master à faire des études de cas parce qu'effectivement, on peut apprendre. Oui, on peut apprendre beaucoup de choses en faisant des études de cas. Effectivement, le problème, quand on manque de temps, c'est qu'on fait peu d'études de cas et c'est difficile du coup d'en tirer des régularités, des hypothèses. Mais en recoupant ça avec des travaux déjà effectués hein, sur d'autres études de cas, on peut apprendre et comprendre beaucoup de choses. Alors, c'est aussi ce qui a poussé ensuite à ce que ce genre de démarche hein, de suivi, d'études, des variations soit appliqué aussi aux professeurs eux-mêmes hein, pour essayer de comprendre en fonction de quoi variait leur optimisme pédagogique, hein, leur engagement, leur façon de percevoir les élèves et puis ou au contraire leur renoncement hein, selon des processus d'échec qui finalement ressemblent beaucoup à ceux des élèves d'ailleurs. Hein, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Alors là, je fais un tout petit retour mais qui va être rapide puisque beaucoup de choses ont déjà été dites. Hein. Sur les inégalités scolaires, donc le fait qu'on s'est intéressé qu'assez tardivement, à partir des années 60, surtout aux questions d'inégalité de performance scolaire, alors qu'auparavant, l'inégalité la plus flagrante, c'était l'inégalité d'accès, notamment au collège, au lycée, etc. Donc ça, j'y passe rapidement. Les choses qui sont bien connues, hein, qui ont été constatées de façon récurrente, il y en a surtout deux là, que je vais retenir, hein, parce qu'on a un temps limité. C'est autour du fait que l'échec scolaire est bon, associé au milieu défavorisé, souvent, c'est l'expression qu'on emploie, moi aussi je l'emploie, hein, mais sans forcément clarifier ce qui est en cause principalement dans le milieu social, c'est-à-dire du côté des ressources financières, hein, les revenus des parents ou le niveau d'études. Je pense que ça a été un tout petit peu évoqué quand même déjà. C'est ce qui ressort des comparaisons qu'on peut faire, hein, puisque pour un même revenu, hein, les niveaux d'études des parents peuvent varier et inversement. Voilà, quand on fait des croisements, hein, comme ça a été fait dès les années 60 par Pierre Bourdieu notamment, eh bien on s'aperçoit que la réussite scolaire varie beaucoup selon le niveau d'études des parents, très nettement, alors qu'elle varie moins nettement selon les revenus des parents, sauf dans les cas de grande pauvreté où là, évidemment, les conditions de vie, les conditions matérielles font qu'il y a une perturbation de la scolarité liée à des situations un petit peu extrêmes. Mais dans les autres cas, le facteur qui s'avère le plus décisif, ce sont les ressources qu'on qualifie classiquement de culturelles des parents. Moi, je trouve important de prolonger cette expression par l'idée de ressources scolaires, c'est-à-dire les parents connaissent l'école, ont des connaissances scolaires, maîtrisent les programmes, par exemple, et des ressources pédagogiques aussi. C'est-à-dire les parents ont des compétences différentes pour savoir comment faire travailler à la maison leur enfant, comment soit remédier à certaines difficultés, soit même anticiper sur les programmes, soit les aider à approfondir les questions qu'ils ont envie de poser. Donc tout ça renvoie à des ressources, j'appelle ressources à la fois scolaires et pédagogiques, qui sont très inégalement distribuées selon les parents et qui sont une très grande source d'inégalité sociale de réussite scolaire. Alors, donc ça, c'est le point qui est à la base hein, même de la théorie de l'héritage culturel de Bourdieu et Passeron, hein, qui a déjà été évoqué. Alors, il y a un autre fait qui, lui, est très connu aussi, que les sociologues ont aussi entériné depuis plus de 50 ans. On retrouve encore cette idée dans des travaux récents, mais qui, en fait, d'après les recherches que j'ai faites, est beaucoup plus discutable. C'est autour de l'idée d'une importance des inégalités d'orientation à note égale. Depuis les années 60, on a constaté régulièrement qu'effectivement, les élèves de milieux sociaux différents, quand ils avaient les mêmes notes, on pouvait observer des orientations plus ambitieuses, plus élevées, on va dire, hein, de la part des enfants issus des milieux plus favorisés socialement, au point que, au point que certains commentateurs de ces travaux, certains sociologues, beaucoup de sociologues, même encore actuellement, donc estiment que les inégalités d'orientation ont une influence sur les inégalités de parcours scolaire et d'obtention de diplôme, qui serait au moins égale à l'influence propre des inégalités d'apprentissage scolaire. C'est-à-dire qu'il y a cette idée que les inégalités de parcours et d'obtention de diplôme seraient une sorte de combinaison de facteurs d'apprentissage, de réussite scolaire, et de facteurs d'orientation, avec cette idée que, puisqu'à note égale, ils s'orientent un peu différemment, soit il y a une sursélection venant des enseignants, soit il y a une autosélection des familles de milieux défavorisés, qui, du coup, pèserait fort dans la production des inégalités scolaires. Donc cette idée, elle reste très présente, et en fait, il y a un tas de travaux depuis maintenant une trentaine d'années qui incite à considérer qu'il faut surtout faire attention à ne pas surestimer ce poids propre des inégalités d'orientation, parce qu'il méconnaît un certain nombre de processus. Que je n'aurai pas le temps de tous détailler, mais j'ai trouvé utile quand même d'attirer votre attention là-dessus. Et pour ceux qui le souhaitent, j'ai mis quelques références que vous pouvez consulter pour la démonstration complète de quelque chose qui est encore bien installé dans la culture même sociologique actuelle sur l'importance quasiment égale des inégalités d'orientation par rapport aux inégalités de réussite, et avec une implication importante, parce que si ce qui est en cause, c'est avant tout les inégalités d'apprentissage, du coup, si on veut lutter contre les inégalités, il y a surtout à se demander comment aider les élèves à apprendre, comment assurer davantage les apprentissages des élèves, donc avec l'idée de ressources pédagogiques. Alors que si on pense que les inégalités sont produites en grande partie par des décisions prises soit par les professeurs, soit par les parents, là, on a l'impression que pour lutter contre les inégalités, il faut surtout arriver à faire évoluer des perceptions, des ambitions, etc. Du coup, il y a un enjeu très important. C'est pour ça que ça vaut la peine de se pencher sur ça. Et personnellement, d'après toutes mes études de cas d'élèves, des milliers en fait en tout depuis plus de 20 ans, j'ai vraiment perçu qu'il y avait une sorte d'erreur dans le fait d'attribuer une grande importance aux inégalités d'orientation, dans le sens où en fait, ces inégalités d'orientation à note égale, j'espère que c'est à peu près clair, au besoin vous le signalez, elles sont en fait des sortes d'anticipation de risques inégaux d'échec. C'est-à-dire que quand les élèves ont les mêmes notes, quand ils sont dans un milieu favorisé, ils ont beaucoup plus de conditions et de chances de continuer à progresser normalement, même plus que la moyenne, tandis que les élèves de milieux socialement défavorisés, qui bénéficient de moins de ressources scolaires et pédagogiques dans leur milieu familial, sont beaucoup plus exposés à éprouver des difficultés, à décrocher, etc. Et il y a une sorte d'anticipation de ces risques inégaux qui est faite en fait surtout par les enseignants, parce que c'est eux qui sont habitués à avoir passé des élèves, à savoir un petit peu ce que devient l'élève l'année suivante, à avoir des éléments là-dessus. Du coup, ce sont surtout les professeurs qui sont capables d'anticiper sur le fait qu'à note égale, les chances de réussite sont inégales. Et d'ailleurs, on sait maintenant depuis 30 ans que les élèves de milieux défavorisés qui semblent plus prudents ou qui semblent sursélectionnés quand on regarde les orientations, quand on regarde deux ou trois ans après leurs résultats au baccalauréat, on s'aperçoit qu'ils apparaissent plutôt comme sous-sélectionnés dans le sens où ils échouent beaucoup plus souvent aux épreuves du baccalauréat. Dans toutes les sections, en fait, les taux d'échec sont plus élevés parmi les élèves de milieux socialement défavorisés. Et on pourrait presque dire, du coup, que les inégalités d'orientation n'anticipent que partiellement sur ces risques inégaux d'échec. Voilà. Alors, je sais que ce n'est pas simple à comprendre. J'ai pas mal de collègues qui me disent qu'ils ont du mal soit à comprendre, soit en tout cas à le faire passer. Donc, je suis désolé, là, je ne peux pas y passer beaucoup plus de temps parce qu'il y a d'autres questions à aborder. Mais en tout cas, si, pour ceux que ça peut intéresser ou concerner, j'ai mis quelques références donc, pour des travaux qui là démontrent ça de façon beaucoup plus systématique et précise, parce qu'il y a plein de facteurs qui ont contribué à entretenir cette idée, cette surestimation des inégalités d'orientation. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire déjà ? Oui, ça me semble important. Oui, non, ce que je voulais dire surtout, c'est ça, c'est que j'ai eu beaucoup d'occasions d'exposer hein, cette thèse hein, devant d'autres sociologues. Et moi, j'ai pratiquement jamais vu de personnes qui avaient des objections un petit peu solides vis-à-vis de cette démonstration. Bon, les seuls qui insistaient beaucoup, c'est ceux qui, du coup, avaient fondé toute leur carrière sur les inégalités d'orientation et qui, évidemment, plutôt désolés qu'on ait l'air finalement décisif. Mais dans l'ensemble, quand les gens prennent le temps de s'intéresser à tous les éléments explicatifs, on s'aperçoit qu'effectivement, c'est un cas un peu particulier et extrême où une idée en grande partie fausse a pu durer comme ça pendant près de 50 ans dans les travaux sociologiques. Bon, voilà, j'insiste pas plus. Non, ça c'est le détail, mais bon, ça au cas où s'il y a des questions là-dessus, on pourra peut-être éventuellement y revenir. Alors, maintenant, je voulais, avant de passer vraiment à cette question des ressources pédagogiques, des questions de formation, etc., je voulais quand même vous aider à avoir un aperçu un petit peu précis de ce qu'on sait sur l'état actuel hein, du système scolaire et des inégalités. Et alors, là, je vais directement aux inégalités d'acquis scolaire, de performance scolaire, telles qu'elles apparaissent dans les évaluations standardisées qui permettent de faire des comparaisons un peu sérieuses. En réalité, il y a un tas d'autres indicateurs, le redoublement, le taux d'accès à telle ou telle classe, les taux de bachelier, etc., qui sont d'autres indicateurs qui ne montrent pas les mêmes choses. C'est-à-dire que, en fait, pour résumer la situation, au cours des 30 dernières années, des 30 ou 40 dernières années même, si on regarde par exemple les taux d'accès au bac ou à l'université, on a le sentiment d'un progrès. Même les taux de redoublement ont énormément baissé de façon très volontariste, et avec d'ailleurs l'argument que c'est le redoublement qui expliquait les inégalités, etc. Mais en fait, en réalité, dès qu'on regarde non pas simplement des taux d'accès ou des choses qui sont en fait décidées de façon en partie arbitraire, enfin, ou en fonction de réglementations imposées par les pouvoirs publics, on s'aperçoit qu'en fait, ces progrès, ces semblants de progrès finalement, ne correspondent à aucun progrès du point de vue des apprentissages tels qu'ils sont évalués dans des épreuves standardisées. Et on pourrait même aller jusqu'à dire qu'effectivement, les politiques donc, qui annoncent toujours des progrès, une démocratisation, etc., ont fait ce qu'il fallait pour que certains indicateurs semblent valider leur politique. Mais en revanche, dès qu'on prend comme critère l'évolution des connaissances des élèves telles qu'elles peuvent être évaluées, là, on s'aperçoit qu'au contraire, il y a plutôt une double évolution négative qui donc est détaillée ici. Hein. C'est à la fois une accentuation des inégalités scolaires dans tous les domaines évalués. C'est une tendance hein, lourde, hein, disons, des 20 dernières années. Et puis après, on peut détailler avec des différences. Hein, au niveau de l'école primaire, par exemple, c'est surtout, ce qui est frappant surtout, c'est là maintenant c'est la faiblesse générale des scores, plus que l'ampleur des inégalités constatées. Et puis là, je vais un petit peu préciser hein, ça tout à l'heure. Tandis qu'à 15 ans, avec l'évaluation PISA, ce qui est frappant dans le cas de la France, c'est justement plutôt l'ampleur des inégalités de réussite, de performance, d'acquis scolaire ou d'acquis de connaissances, oui, selon le milieu social. Donc là encore, bon, je ne vais pas m'arrêter là-dessus, mais ça peut mériter hein, des analyses complémentaires pour comprendre cet espèce de décalage entre ce qu'on voit au niveau de l'école primaire et ce qu'on voit ensuite au niveau du collège. Je sais qu'ici, il y a un peu plus de personnes qui sont plutôt inscrites dans le premier degré. Voilà. Vous m'entendez ? Oui. Donc, je vais un tout petit peu plus me pencher sur ce qu'on voit au niveau du premier degré de l'école primaire. Alors, au niveau de l'école primaire, les évaluations... Alors, je n'ai pas voulu passer trop de temps, donc là, j'ai privilégié les évaluations internationales parce que c'est quand même intéressant de situer la France par rapport à d'autres pays. Mais en fait, ces tendances, on les voit aussi dans les évaluations nationales, quand elles sont bien standardisées, assurées par l'ADEP, on voit les mêmes tendances, hein, je le précise tout de suite. Mais dans les évaluations internationales, il y a une évaluation qui est faite depuis longtemps, auquel la France participe depuis longtemps, c'est l'évaluation PIRLS, et qui permet de comprendre que il y a vraiment une évolution de l'école française qui est beaucoup plus négative que l'évolution des autres pays européens, qui a donc des particularités françaises qui méritent d'être un petit peu creusées. Pour ce qui est des évaluations en maths et en sciences, il y a eu simplement une première participation française en 2015, donc on ne peut pas parler là de l'évolution, mais par contre les résultats sont assez impressionnants dans le sens où ce sont les scores les plus faibles de tous les pays européens et même de l'OCDE. Si on intègre les différentes disciplines, on arrive à ce résultat assez frappant, que je vais faire apparaître plus clairement. Alors peut-être avant de passer au graphique, ce qui est à mon avis assez frappant, c'est que en maths et en sciences, qui sont deux disciplines bien différentes, avec même des statuts très différents en France, la France obtient des résultats extrêmement proches et avec un décalage également très similaire avec la moyenne des autres pays européens. Alors pourtant, et puis pareil, lorsqu'on voit les élèves de niveau bas, etc., on voit exactement les mêmes tendances. Je sais qu'il ne faut pas que je me mette là pour ne pas cacher le tableau. Mais alors pourtant, qu'en France, on consacre beaucoup plus de temps aux maths qu'aux sciences, et que là, on est même au-dessus de la moyenne, là, on est en dessous de la moyenne, et pourtant, les résultats sont quasiment les mêmes. C'est-à-dire que ça met en doute presque le fait que la quantité d'heures soit extrêmement déterminante, puisque avec des différentiels d'heures très importants entre maths et sciences en France, on obtient des résultats tout aussi faibles. Ce qui pousse à considérer qu'il ne suffirait pas de changer une quantité, mais qu'il y a vraiment à changer quelque chose au niveau de la qualité, quelque part, de l'enseignement, des formations, des conditions d'exercice du métier, etc., pour essayer de faire évoluer tout ça. Voilà. Parce que je dis ça parce qu'il y a quand même beaucoup de travaux qui insistent sur cette question du temps. Là, vraiment, il y a une sorte de contre-exemple qui montre à quel point ça n'est qu'une des variables parmi beaucoup d'autres, probablement plus décisives. Donc là, c'est juste comme ça pour bien que vous puissiez vérifier que je n'exagère pas par rapport à la France qui est tout en bas. Donc tout en bas, ça veut dire que c'est celle qui a les résultats les plus faibles. Les résultats sont ici. Donc c'est quasiment le seul pays qui est nettement en dessous de 500, alors que tous les autres pays se situent au-dessus. Sauf là, pour les sciences, il y a juste Chypre qui fait un peu moins bien, mais bon. Est-ce qu'on peut comparer la France avec Chypre au niveau des ressources à la fois économiques et culturelles? Donc là, il y a quelque chose qui quand même interpelle. Alors, cette évaluation qui met en évidence ce genre de résultats, donc au niveau de Pearl, c'est presque pareil, à part que je crois qu'il y a quand même un pays qui a des résultats moins bons que la France, mais ça veut quand même signifier qu'il y a un problème au niveau de l'état de l'école française. Alors, cette évaluation TIMSS a été associée à des questions posées aux enseignants qui fournissent quand même aussi un début d'éclairage sur la situation française et qui attire l'attention sur le fait que les enseignants eux-mêmes se déclarent moins à l'aise que d'autres enseignants d'autres pays pour notamment améliorer la compréhension des mathématiques pour des élèves qui ont des difficultés, ou de savoir s'adapter au fait que certains élèves peuvent aller plus loin, etc. Donc il y a déjà une sorte de signal au niveau de l'aisance des enseignants qui lui-même peut être lié à un autre constat qui ressort de cette enquête, qui est que tout simplement les enseignants français ont moins de formation que les autres, que la moyenne en tout cas européenne, nettement. Et Là, il s'agit surtout de la formation continue, puisqu'on interroge des enseignants de toute ancienneté. À cela, effectivement, on peut ajouter le fait que la formation initiale en France est nettement plus brève que dans les pays qui ont des résultats bien meilleurs. Et aussi, même en dehors du fait d'être brève, elle a d'autres particularités, notamment le fait qu'il y ait plutôt une longue phase d'apprentissage qui reste vraiment théorique, coupée des réalités professionnelles, et que l'alternance qui permet justement d'utiliser utiliser les outils théoriques pour les roder dans une pratique. Cette phase-là est particulièrement courte en France, hein, puisque c'est vraiment à la fin du processus, et seulement, presque seulement après la réussite du concours, qu'il y a une année de formation réellement en alternance et dans des conditions qui sont loin d'être satisfaisantes si on la compare avec d'autres pays. Voilà, donc là, il y a à coup sûr un problème qui d'ailleurs se traduit aussi par le fait que les enseignants, notamment selon l'ancienneté, ont une sorte de processus de désenchantement vis-à-vis de leur situation professionnelle, de leur sentiment sans doute aussi d'exercer leur métier de façon satisfaisante. Et donc quand on les interroge sur la satisfaction éprouvée globalement, hein, après il y a des questions plus précises sur les satisfactions avec les élèves, avec les parents, vis-à-vis des politiques, etc. Mais globalement, on voit que, paradoxalement, c'est en première année d'enseignement que le taux de satisfaction est le plus élevé. Et on y reviendra tout à l'heure à propos de la recherche justement sur les professeurs des écoles débutants pour essayer de justement d'un petit peu éclairer ce constat à première vue étonnant, parce que quand on débute, a priori, c'est le moment où on éprouve les plus grandes difficultés. Il y a souvent l'idée d'un choc de la réalité qui après est dépassé et qui fait qu'après on est plus à l'aise et que donc on peut éprouver plus de satisfaction. Et là, malheureusement, ce qui ressort, c'est que plus les enseignants sont anciens, plus ils sont insatisfaits de leur situation professionnelle, et avec une baisse qui est particulièrement rapide au cours des 5 premières années. Bon, mais qui reste vraiment plus élevée que pour les plus anciens. Parmi tous ceux qui ont fait déjà des stages dans les écoles, je suis sûr que vous pouvez recouper avec ce que vous avez pu ressentir de la part des enseignants sur leur métier, selon l'ancienneté. Moi qui entends énormément d'étudiants qui font des stages, hein, c'est quelque chose qui ressort très nettement et qui traduit bien une sorte d'échec des politiques, puisque c'est comme si les enseignants plus anciens avaient subi toute une série de changements qu'ils n'ont pas pu maîtriser et qui les ont conduits à désidéaliser leur institution, presque à perdre confiance dans leur institution. Et cela se traduit notamment par ça et par un tas d'autres données d'enquête, hein, notamment sur leur insatisfaction par rapport à la formation continue, notamment, et par rapport aux politiques menées, aux changements incessants qu'ils n'arrivent pas vraiment à digérer et à maîtriser. Alors, on ne va pas s'arrêter trop là-dessus, hein, parce que justement, je préfère insister sur les aspects pédagogiques, mais quand même, il y a un lien étroit, évidemment, entre les conditions d'exercice pédagogique des enseignants et les politiques menées, donc il faut quand même en dire un tout petit peu quelque chose. Donc, là, j'ai été très vite, mais personne ne conteste, hein, qu'il y a vraiment un échec des politiques scolaires et que les évolutions, en tout cas, dès qu'on regarde les connaissances des élèves, les évolutions sont clairement négatives, que ce soit en termes d'efficacité ou d'équité, ou que ce soit en regardant le moral des enseignants. Si on compare les enquêtes effectuées à des époques différentes, on voit que ça ne fait que se détériorer plutôt le sentiment des enseignants et que ce qu'on appelle le malaise enseignant, quand même, il y a des indices sérieux qui montrent qu'il y a une tendance assez nette dans le sens d'une aggravation des choses. J'ai quand même envie de dire tout de suite que je connais aussi beaucoup d'enseignants qui sont satisfaits de leur métier. Je connais beaucoup de débutants qui arrivent à vraiment être fiers de ce qu'ils font. Donc, je ne veux surtout pas le présenter comme une sorte de tendance sociologique, déterministe absolue, comme si c'était inévitable et vrai pour tous. Ce que la sociologie montre souvent, c'est des tendances, mais qui ne correspondent pas à des règles systématiques, hein, qui concerneraient tous les enseignants. On voit bien, même tout à l'heure, on voyait bien que c'était des pourcentages élevés, hein, d'insatisfaction. Mais ce n'est pas non plus 100%. Hein, et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est d'essayer de comprendre à quelles conditions les enseignants sont plus ou moins insatisfaits, restent plus ou moins motivés par leur travail, etc. Et donc, voilà, je tiens à dire qu'il y a quand même un tas de facteurs qui font qu'il n'y a pas nécessairement à désespérer, mais à condition peut-être de comprendre certaines choses. Juste quand même sur ces politiques. Qu'est-ce qu'il faudrait sans doute changer, parce que c'est vraiment quelque chose qui dure maintenant. Ça fait quand même, c'est pas depuis 5 ans, ça fait maintenant 20 ans, hein, que l'évolution est franchement négative. Donc, parmi les choses les plus évidentes qui ressortent de toutes les enquêtes et qui sont soulignées par donc le CNESCO. Le CNESCO, donc, c'est le Conseil national d'évaluation du système scolaire, qui lui-même est censé synthétiser un tas d'autres travaux, un tas de travaux de différents chercheurs. Bon, il fait le constat d'une école française marquée par des inégalités sociales et migratoires fortes et croissantes, hein, bon, c'est ce qui ressort, associées à un nombre très important d'élèves en grande difficulté scolaire, hein, qui est effectivement nettement plus important que dans la plupart des pays comparables à la France. Et donc, ce que pointe le CNESCO, entre autres, hein, enfin, là j'ai évidemment pris qu'un tout petit extrait, c'est le fait de rompre avec une sorte de logique de réforme à répétition, où on change sans arrêt. Alors, on change sans arrêt les programmes, etc., les référentiels de compétences, les préconisations, les priorités, etc. On change aussi d'ailleurs les organismes de formation, hein, à un rythme particulièrement accéléré depuis 10 ans. On n'a jamais eu des changements aussi rapprochés. Et donc, ces changements, en gros, ce qui ressort des résultats, c'est que, au lieu de favoriser des changements, ils provoquent plutôt des perturbations. Mais justement, il y a quand même quelque chose qui pousse à continuer à opérer tous ces changements, ne serait-ce que pour au moins entretenir l'illusion qu'on est en train d'améliorer les choses. Quand ça va très mal, on ne peut pas ne rien faire. Donc on est obligé de changer quelque chose. La question, c'est qu'est-ce qu'on change ? Pourquoi ? En veillant à s'assurer ou non, hein, de ce qui est fait, des effets que ça produit, avec des efforts plus ou moins poussés pour réguler aux besoins des dysfonctionnements qu'on percevrait au moment des changements. Alors là, on est toujours dans la même situation, c'est-à-dire qu'on peut toujours espérer qu'on est en train effectivement d'améliorer les choses, et c'est sans doute que la communication du gouvernement va clairement dans ce sens, hein, c'est toujours le cas. Après, ce qu'on peut constater, c'est que ces évolutions très négatives depuis maintenant 20 ans font que ça crée quand même une sorte de scepticisme, hein, un manque de confiance, et que même si effectivement il y a des mesures qui sont prises qui sont positives, elles ne rencontrent pas d'enthousiasme de la part notamment des enseignants, justement parce qu'il y a eu une trop longue phase où les changements n'étaient pas du tout associés à des progrès, mais plutôt au contraire à des difficultés accrues. Alors, bon, il y a pas mal de chercheurs qui avaient déjà attiré l'attention sur les faits que, on avait créé par exemple les ZEP, on avait mis en avant la réussite de tous, etc., mais qu'en réalité, dès qu'on faisait des enquêtes de terrain, ce qu'on voyait, c'était beaucoup d'enseignants qui se sentaient impuissants devant les difficultés d'un certain nombre d'élèves. La réussite de tous, hein, sur le papier, elle ne correspond pas aux réalités qu'on peut percevoir dans beaucoup de classes. Et donc, par exemple, Brigitte Monfroy, hein, dès 2001, avait vraiment fait un article qui soulignait ce sentiment d'impuissance qui se traduisait par l'expression notamment « élèves en difficulté » au lieu de vraiment se demander, enfin, au lieu d'être dans une posture où on peut analyser précisément des difficultés et des moyens d'essayer de les surmonter, mais d'en rester à une sorte d'approche très globalisante qui, quelque part, revient à principalement étiqueter les élèves plutôt que de vraiment chercher les moyens d'agir précisément sur leurs difficultés. Alors, l'autre chose quand même qui mérite d'être soulignée et qui peut expliquer la courbe qu'on a vue tout à l'heure par rapport à l'ancienneté des enseignants, c'est que on pourrait dire que, en fait, jusqu'aux années 70, les enseignants avaient un peu comme carte blanche pour évaluer les élèves, estimer que certains avaient les aptitudes ou pas scolaires voulues pour poursuivre leurs études. Et à partir surtout des années 80, ce qui a été mis en avant, c'est l'idée d'une réussite de tous que les enseignants devaient assurer. C'est-à-dire qu'on a mis la barre très haut en assignant aux enseignants ces objectifs beaucoup plus élevés, mais force est de constater que d'après les évaluations, il n'y a pas eu du tout les conditions réunies pour que les enseignants puissent réellement faire mieux que précédemment. Et donc là, ça renvoie bien à cette question des ressources pédagogiques qui permettent ou non aux enseignants, effectivement, d'améliorer leurs pratiques et de se rapprocher au moins de la réussite de tous, alors que malheureusement, sur les dernières décennies, ce n'est pas du tout l'évolution qu'on peut percevoir. Alors là, je reviens donc au plan d'intervention pour que vous compreniez où on en est à peu près. Donc là, maintenant, on va aborder plus précisément la question justement des perceptions des enseignants vis-à-vis des difficultés des élèves, vis-à-vis des bons et des mauvais élèves, pour rejoindre, hein, les questions abordées tout à l'heure de comment se jouent les perceptions des enseignants, qu'est-ce qui se passe et comment on peut espérer éventuellement faire évoluer ces perceptions pour qu'elles soient moins souvent fatalistes et plus optimistes ou plus assurées, hein, de réussir à surmonter certaines difficultés. Voilà, donc Ce genre de question de quelle perception les enseignants ont des différences sociales et des difficultés des élèves a été travaillé il y a très très longtemps déjà, notamment par Howard Baker. Et ce qu'il remarquait à l'époque, est un peu évident à chaque fois qu'on va sur le terrain et qu'on enquête d'un peu près sur les perceptions des enseignants, c'est que les enseignants, surtout quand justement les conditions ne sont pas réunies pour qu'ils puissent faire réussir tous leurs élèves, ils remarquent bien qu'il y a des bons élèves, qui comprennent vite, qui s'intéressent, qui progressent sans difficulté, et que leurs parents sont plutôt, c'est plutôt leurs parents qui viennent facilement à l'école, qui se sentent à l'aise à l'école et qui manifestent leur intérêt pour l'école. Ils remarquent que, au contraire, les parents des mauvais élèves, ceux qui évidemment leur posent plus de problèmes, pour des raisons qui ont déjà été bien, bien analysées sur toutes les causes qui font que les mauvais élèves sont beaucoup plus souvent des élèves de milieux socialement défavorisés. Donc leurs parents sont moins à l'aise, communiquent moins facilement avec les enseignants, ou même ne viennent pas à l'école, restent invisibles à l'école. Mais pour des raisons, évidemment, qu'on comprend très bien dès qu'on fait des enquêtes un petit peu poussées. Donc ce constat d'une sorte de corrélation entre le milieu social, la présence à l'école des parents et les résultats des élèves, forcément a un effet sur la façon dont les enseignants interprètent ces différences sociales. Et donc, évidemment qu'ils n'ont pas tous les mêmes réactions, ça dépend de leur propre trajectoire scolaire, à leur propre famille, etc., à leur propre compréhension des différences sociales. Mais il y a quand même une tendance qui apparaît extrêmement nettement à chaque fois, moi je le constate constamment dans les retours de stage, c'est tout simplement que, évidemment, que quand il y a des difficultés, de l'échec, les enseignants sont mal à l'aise à cause de ces échecs et qu'ils sont évidemment, logiquement, psychologiquement et logiquement, tentés d'expliquer les difficultés par des facteurs qui leur sont totalement extérieurs. Et que donc, en plus, comme il y a cette corrélation entre les parents qui viennent à l'école ou pas, etc., ils sont très vite tentés par le fait d'expliquer les difficultés des élèves et leur manque de motivation par le fait que les parents n'accordent pas d'importance à l'école, avec comme indice le fait qu'ils ne viennent pas à l'école, ou que le travail n'est pas fait à la maison, alors qu'évidemment qu'il y a plein d'autres raisons qui font que le travail n'est pas fait à la maison, ou alors qu'ils ont des carences éducatives qui font que les enfants ne peuvent pas se concentrer, etc. Ça, c'est des explications qui sont omniprésentes et qui, effectivement, ont un effet de soulagement psychologique pour les enseignants pour éviter qu'eux-mêmes se sentent personnellement en échec. Toutes les recherches que je connais ou auxquelles j'ai participé montrent à quel point cette vision est injuste et beaucoup trop sévère vis-à-vis des parents de milieux défavorisés. Moi, j'ai fait beaucoup de recherches sur le décrochage scolaire, sur les cas extrêmes d'échec scolaire. J'ai rencontré les parents et je peux vous garantir que ça n'arrivait quasiment jamais que les parents soient indifférents à ces problèmes scolaires. Simplement, ce qui apparaissait pratiquement toujours, c'est que ils n'avaient pas les ressources pour être à l'aise à l'école, pour savoir comment aider leur enfant. Quand ils essayaient, ils n'y arrivaient pas. Et en plus, dès que des élèves ont des difficultés, pédagogiquement, ça devient extrêmement difficile. Donc c'est évident que ce n'est pas les parents qui peuvent résoudre ces problèmes. Donc forcément, ils abandonnaient cet effort d'essayer de travailler avec leurs enfants, puisqu'ils voyaient bien qu'ils n'étaient pas compétents. Et donc c'est tout ça qui aide à comprendre que l'interprétation la plus courante des enseignants est évidemment une interprétation qui est tentante pour eux, mais qui n'est pas juste du point de vue de la réalité. Alors, la question après, c'est comment est-ce qu'on peut aider les enseignants à justement ne pas être dans cette vision fataliste. C'est un peu comme quand on constate des espèces de discrimination dans les fréquences pour interroger les élèves, etc. Il y a toujours la question de mais qu'est-ce qui peut contribuer à ce que les enseignants dépassent, on pourrait dire, c'est ce genre de problème source d'inégalité. Et donc, moi, il me semble que c'est intéressant de quand même bien distinguer deux perspectives. Une première perspective, c'est de penser qu'effectivement, en donnant à connaître aux enseignants des résultats de recherche, ça va les aider à dépasser certains préjugés, à rectifier leur représentation, et qu'ils vont du coup être moins fatalistes, notamment par rapport aux difficultés des élèves. Mais on verra tout à l'heure pourquoi il y a une autre perspective qui finalement s'avère un peu plus consistante, on va dire. C'est tout simplement que ce qui peut faire évoluer les enseignants, c'est tout simplement d'être un peu mieux armés pour faire face aux difficultés et ne pas se sentir dépassé et en échec devant ces difficultés. Donc là, ça, c'est une autre perspective. Il ne suffit pas de transmettre des résultats de travaux de recherche. Il faut, sauf si ces résultats, justement, comme ça arrivait tout à l'heure, font apparaître des alternatives pédagogiques, on pourrait dire, d'organisation de la classe, de façon de concevoir l'interrogation des élèves. Dès lors qu'on ne se contente pas de juste faire apparaître des résultats qui risquent d'avoir comme principal effet simplement de culpabiliser les enseignants, mais dès qu'on fait apparaître des espèces d'alternatives pédagogiques qui peuvent donner des chances aux enseignants de réussir autrement les choses, à ce moment-là, on est dans la deuxième perspective, c'est-à-dire de justement faire atténuer leur besoin d'expliquer l'échec par des facteurs extérieurs, tout simplement parce qu'ils sont moins en échec, hein, qu'on leur a donné les moyens de mieux résoudre des problèmes. Donc, j'espère que c'est à peu près clair la distinction entre simplement transmettre des résultats de recherche et puis contribuer à outiller les enseignants pédagogiquement pour mieux maîtriser les situations pédagogiques et les difficultés des élèves. Donc, effectivement, après, on peut quand même espérer que transmettre des connaissances peut aider dans la mesure où, c'est pas seulement parce qu'ils sont en échec qu'ils vont avoir une vision fataliste. La vision fataliste, elle peut aussi se transmettre dans un milieu social donné, dans une école. Moi, je connais plein de débutants qui me disent, à peine arrivés, donc comme stagiaires par exemple, on leur dit tout de suite, oui, de toute façon, cet élève-là et cet élève-là, c'est pas la peine. Voilà. Ça, c'est hyper répandu, en fait, hein, et c'est grâce à une recherche qu'on a faite qu'on a pu le comprendre à quel point c'est répandu. Donc là, il y a une sorte de diffusion de représentation qui est même antérieure au fait que l'enseignant soit en échec. C'est-à-dire, avant même qu'il soit en échec, on lui dit non, c'est même pas la peine, de toute façon, tu n'y arriveras pas. Donc là, effectivement, moi, en tant que formateur, souvent, je dis le contraire. Je dis, essaye et puis concentre-toi, tu vas voir si tu te concentres sur un petit nombre d'élèves dans ton mémoire, en prenant du temps pour bien analyser ces difficultés, pour expérimenter des choses, tu vas t'apercevoir qu'en fait, ça peut tout à fait évoluer. Et la plupart du temps, effectivement, ça évolue, mais ça suppose de se concentrer suffisamment sur des cas précis d'élèves. Mais ça, justement, c'est là où on peut espérer que quand même, il y a un effet propre de la transmission de certains résultats de recherche, dans la mesure où on peut au moins aider, par exemple, les enseignants débutants à être ouverts à la perspective qu'on peut faire quelque chose, même si on leur dit non, c'est pas possible. Voilà. Donc ça, c'est... Alors, ce qui aide à avoir les idées plus claires par rapport à ces questions-là, là je suis revenu au plan, donc, c'est ce qui peut aider à comprendre ce que j'ai amorcé là, c'est justement d'étudier comment évoluent les perceptions et les priorités même des enseignants, notamment devant les difficultés des élèves. Et c'est la recherche qu'on a menée depuis 2010, et qu'on continue d'ailleurs à mener, hein, même si on n'a pas toujours tous les moyens qu'on voudrait pour le faire, c'est donc une recherche qui cherche à bien comprendre en fonction de quoi évoluent les visions et les pratiques des enseignants débutants, hein, notamment des enseignants d'école primaire, vis-à-vis notamment des difficultés. Alors, je vais essayer d'aller assez vite sur... Là, c'est les termes qu'on utilise, donc c'est juste pour bien expliquer que quand on étudie ces évolutions d'enseignants, on utilise des outils d'analyse qui sont notamment des termes comme socialisation et même aussi positionnement, on y reviendra tout à l'heure. C'est-à-dire que l'idée en sociologie, c'est qu'on est construit socialement hein, de par notre histoire sociale et que c'est les expériences sociales qu'on vit longuement qui contribuent à nous faire évoluer, à faire évoluer notre vision, notre perception, nos jugements et aussi nos pratiques, nos actions. Donc, si on veut comprendre en fonction de quoi évoluent les perceptions des enseignants et leurs pratiques, il faut être attentif aux conditions de leur socialisation, il faut étudier leur contexte de travail au moins autant que de simplement les interroger et les écouter. Bon, là, ouais. C'est vrai que là, comme l'écran est grand, ça va, je pense que c'est quand même à peu près lisible, même si c'est un petit peu chargé. Donc voilà, l'objectif principal, je l'ai déjà exprimé, c'est d'étudier l'évolution des préoccupations prioritaires durant leur formation, les 2 années pour ceux qui font un master, et leurs premières années d'exercice, sachant qu'on a poursuivi finalement ces recherches, on a trouvé utile de poursuivre bien au-delà de la titularisation, avec même des suivis qui peuvent aller jusqu'à 7 ans. Principalement donc dans l'Académie de Lille et de Créteil, en combinant des entretiens et aussi des observations pour justement prendre connaissance du contexte et puis même repérer des décalages parfois entre les déclarations et puis les pratiques réelles, ou pour avoir plus d'idées de questions à poser en observant les pratiques. Alors, mais je vais commencer plutôt par parler de la phase où ils sont en formation, parce que c'est la phase où justement on a pu aussi faire passer des questionnaires en grand nombre et pouvoir du coup tester statistiquement les hypothèses inspirées par tous les entretiens qu'on avait pu réaliser sur l'évolution des priorités et des objectifs, des priorités des professeurs débutants. Donc c'est une recherche dirigée donc par Christophe Joigneau, Stéphane Berzijewski et moi-même depuis 2010, avec presque une dizaine en tout de chercheurs, collègues qui ont participé à cette recherche. Bon, ça, je l'ai déjà un petit peu indiqué. Bon, positionnement, c'est la façon, justement, en sociologie bourdieusienne, notamment, on parle de disposition, c'est-à-dire les choses qu'on a intégrées durablement, alors que l'idée de positionnement, c'est plus associée à l'idée que ça peut varier les positionnements selon les expériences, selon les situations. Mais si on occupe longtemps la même position et qu'on a longtemps le même positionnement, on finit par incorporer ça sous forme de disposition, pour dire les choses un petit peu rapidement. Mais nous, on s'intéresse plutôt aux variations, justement, de positionnement. Lorsqu'on distingue des phases de socialisation, on peut d'abord, même si finalement on va rester centré plutôt là sur les phases 2 et 3, il ne faut pas négliger le fait que la façon dont les débutants évoluent dépend aussi d'une phase initiale qui les a amenés au projet d'enseigner pour des raisons bien particulières, avec un vécu particulier, et que ça, on peut l'interroger par entretien, mais ce n'est pas ce qu'on peut le mieux étudier, puisque c'est dans le passé. On étudie beaucoup plus précisément, c'est ce qui se passe pendant la formation et au cours des années suivantes. Et pour donner un petit aperçu tout de suite des tendances qui se dégagent, c'est que, en fait, on voit, et ça reste à peu près stable depuis 2010, qu'au cours de la formation, il n'y a pas du tout le fatalisme qui règne chez les enseignants les plus anciens. Au contraire, il y a l'espoir. Donc, pendant la phase de formation, on va le voir même aussi bien dans les entretiens que les réponses aux questionnaires, il y a plutôt une adhésion aux idéaux de l'école et au souci de faire progresser tous les élèves. Et c'est plutôt dans la phase ultérieure à la formation qu'il y a une évolution dans le sens d'un découragement et d'une démobilisation. Voilà, donc c'est ça qui ressort, c'est que... Bon, ça, c'est un peu ce que j'ai déjà dit. Donc, pendant la formation, bon, bien sûr, il y a des doutes, il y a des grandes difficultés, notamment pour les stagiaires, pendant les premières semaines, voire les premiers mois. Mais, justement, les enquêtes par questionnaire montrent qu'il n'y a pas un effritement, ou il est très léger, en tout cas, des ambitions et du souci de, justement, trouver des moyens de favoriser les progrès de tous les élèves. Je reste un petit peu axé sur cette question-là. C'est vraiment... tout simplement parce que même si le fait que les stagiaires soient depuis quelques années directement et brutalement à mi-temps dès le début de l'année scolaire, ça provoque effectivement un choc, une perturbation, qui les amène à se désintéresser pratiquement du reste pendant un certain temps pour essayer de surmonter cette épreuve. Mais n'empêche qu'il y a une stabilité de la situation, c'est la même classe toute l'année, il y a quand même un encadrement, il y a quand même des interlocuteurs, d'autres stagiaires, des collègues enseignants, des formateurs, des tuteurs, etc. Tout ça ajouté fait qu'il n'y a pas un processus massif du tout de découragement dès cette année-là. Au contraire, il y a plutôt le sentiment de progresser. Souvent, sur la fin de l'année, les professeurs stagiaires expriment la fierté d'avoir surmonté un certain nombre de difficultés. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre les résultats de l'enquête de tout à l'heure, qui indiquait que lors de la première année d'enseignement, c'est là où le taux de satisfaction était finalement le plus élevé. Là où ça se dégrade, c'est après la titularisation, parce que justement les postes suivants... En fait, un des indices quand même d'une vraie adhésion aux idéaux de l'école et aux soucis de remédier aux difficultés des élèves, ça apparaît dans le questionnaire anonyme. Donc il n'y a pas tellement de raisons que la réponse ne corresponde pas aux convictions. Lorsqu'on les interroge sur leur façon de percevoir les pratiques de leurs collègues, les réponses sont très proches en première et en deuxième année. Donc c'est comme je disais, il n'y a pas vraiment de décrochage. Et c'est une perception qui, surtout d'ailleurs en deuxième année, est une perception assez critique des pratiques de leurs collègues du point de vue de leur façon de gérer les difficultés des élèves. Et vous pouvez remarquer que là où le jugement porté, c'est que c'est insuffisant ce qui est fait par leurs collègues, là où ça dépasse 50%, hein, où c'est majoritaire, c'est justement sur les deux questions se rapportant aux difficultés des élèves. C'est quand même l'indice qu'il y a une... rien ne les oblige à se démarquer de leurs collègues. Hein. S'ils le déclarent de cette façon, c'est bien qu'il y a pour eux une sorte de décalage un peu choquant même entre les idéaux qui sont défendus en formation et puis la réalité de bon nombre de pratiques, hein, au moins dans les écoles où ils sont, qui sont souvent effectivement des écoles où des postes sont libérés et qui sont des écoles pas faciles. Donc voilà déjà tous ces indices qu'effectivement, pendant la formation, il n'y a pas encore une démobilisation massive et qu'elle survient plutôt au cours des années suivantes. Là, c'est un peu le détail de ce que je viens de dire sur les quelques évolutions qu'on perçoit entre la première et la deuxième année, qui sont quand même pas des évolutions aussi spectaculaires que ce qu'on voit par la suite. J'ai déjà dit à peu près tout ça. C'est comme ça, hein, pour illustrer, pour pas que ça reste... je vais essayer. C'est un exemple justement du décalage entre les intentions, on va dire, des professeurs débutants, et puis souvent ce qu'ils trouvent où en fait justement... Eux, quand ils viennent en disant ben « Nous, on pense que quand même, en tant qu'enseignant, on doit essayer de faire progresser tous nos élèves », ils peuvent se heurter à des cas, à des équipes où c'est trop décalé des normes installées dans l'école. Et où là, ça peut conduire à ce qu'effectivement, ils soient qualifiés d'utopistes par les autres enseignants. Là, c'était en l'occurrence le directeur et puis un petit noyau d'enseignants. C'était juste pour vous donner une petite illustration. J'en ai des dizaines, hein, des entretiens de ce type, avec à chaque fois cette espèce de décalage entre les idéaux qui sont quand même en partie incorporés par les débutants et puis les pratiques ordinaires, hein, qui quelque part sont plus le reflet de ce qu'on voit aussi dans les évaluations, c'est-à-dire beaucoup de difficultés non surmontées et puis un fatalisme qui finit par régner par rapport à ça. Ça peut être dès l'année où ils sont stagiaires, hein, que s'amorce ce processus de démobilisation, notamment lorsqu'ils ont de grandes difficultés et puis que ceux qui les encadrent ne sont pas suffisamment encourageants ou efficaces dans leurs conseils pour les aider à surmonter leurs difficultés. Si on doit isoler un peu les principaux facteurs qui expliquent la démobilisation ultérieure, c'est donc le fait que ce sont des postes beaucoup plus précaires, avec souvent plusieurs classes à gérer dans la même semaine, même dans plusieurs écoles, avec des doubles niveaux, des choses complètement nouvelles pour les débutants, puisque... C'est bon ? Une seule classe. C'est à ce moment-là que ça devient pour eux impossible d'assurer les progrès de tous leurs élèves, puisqu'ils en ont trop, dans trop de classes différentes, avec des niveaux nouveaux, etc. Donc c'est à ce moment-là qu'ils ressentent cette impossibilité que leur expriment leurs collègues. Et du coup, c'est là qu'ils peuvent adhérer au discours de leurs collègues plus fatalistes, puisqu'eux-mêmes sont pris dans ce fatalisme du fait qu'ils sont vraiment dépassés par les difficultés. Et quand ils s'obstinent à vouloir, par exemple, rester proches de leurs idéaux, ils peuvent vraiment s'épuiser. Et donc, il y a une réaction de protection de soi qui est tout à fait compréhensible et qui explique du coup même l'attitude des plus anciens. C'est-à-dire que les plus anciens, ils sont passés par là. Et ils leur disent d'ailleurs qu'ils sont passés par là. Donc, si vous voulez, la compréhension qu'on a quand on étudie les débutants, je trouve qu'elle doit s'appliquer aux plus anciens parce que malheureusement, leur socialisation professionnelle, avec des cheminements à chaque fois un peu différents, les a en quelque sorte un peu comme découragés, voire désespérés, et fait renoncer à des idéaux qu'ils avaient antérieurement. Beaucoup d'enseignants anciens que j'ai pu interroger disent « Oui, moi aussi, au début, je croyais pouvoir révolutionner l'école, faire réussir, et puis voilà, j'en suis revenu. » Enfin, c'est vraiment un discours qu'on entend et qui, quelque part, se rejoue malheureusement de génération en génération. Alors bon, là, c'est encore des exemples. Hein. Enfin, là, c'est un exemple frappant, mais je passe rapidement. C'est la même enseignante débutante qui elle-même est choquée dans un premier temps par la pratique d'une enseignante qui se retrouve l'année suivante dans la même école que cette enseignante qui, par hasard, a justement une classe du même niveau qu'elle qui accepte de l'aider. Et du coup, cette enseignante qui était perçue de façon très critique dans un premier temps devient une référence, en fait. Elle devient une référence. Au moins, elle sait de quoi elle parle. Et au point qu'elle-même adopte cette idée de laisser tomber certains élèves. Voilà. C'est juste un raccourci pour vous donner un aperçu de quelque chose qui d'habitude se joue beaucoup plus en plusieurs étapes sans que ça soit aussi flagrant. Bon, après, voilà, il y a une explication. Donc, c'est les postes sont plus difficiles. Ils ont presque plus d'encadrement, de formation. Et du coup, ils ont absolument besoin du soutien de leurs collègues. Quand on est en situation difficile, c'est un réflexe tout à fait logique de chercher à avoir le soutien social au moins des collègues. Donc c'est pour ça aussi que ça les pousse à adopter les mêmes visions, les mêmes pratiques qu'eux. Bon, ça, c'est pas la peine. Oui, donc voilà, le retour hein, que je voulais faire juste à temps, c'était donc de nouveau sur cette perspective. Qu'est-ce qui peut effectivement aider les enseignants à évoluer dans leur représentation? Je pense, enfin, pour nous en tout cas, à l'issue de cette recherche, on estime qu'il faut absolument intégrer tout simplement le fait que quand les enseignants sont en échec, du fait qu'ils ne sont pas armés finalement pour affronter des situations beaucoup trop difficiles, avec trop peu de temps, trop peu d'accompagnement, de formation, etc., eh bien, c'est normal qu'ils se protègent. Vous m'entendez ? Oui. Qu'ils se protègent. Notamment en essayant de limiter leur charge de travail et de responsabilité, en se disant, effectivement, ces élèves-là, on ne peut rien pour eux. C'est une façon d'essayer de se soulager, et qui est la norme en plus hein, dans pas mal d'écoles, malheureusement. Et donc, ce qui peut les aider à évoluer, ce n'est pas juste de leur attirer l'attention sur des résultats de recherche. C'est clair que c'est vraiment de leur faire apparaître des alternatives, des moyens d'action meilleurs, des ressources pédagogiques supplémentaires, des formations, du temps supplémentaire, des occasions de progresser dans leur pratique pédagogique, tout simplement. Et c'est seulement à cette condition, et donc à la condition d'être moins en échec, qu'ils vont être capables d'être moins fatalistes et de moins entériner des inégalités sociales hein, qui apparaissent de façon flagrante à leurs yeux entre les élèves qui réussissent et puis ceux pour lesquels ils ne voient pas ce qu'ils peuvent faire, en fait. Donc là, je pense que c'est un point important qui met en avant évidemment, l'importance des ressources pédagogiques, des formations, mais pas seulement des formations, hein, que ce soit bien clair, aussi les conditions d'exercice qui rendent le métier trop difficile par rapport aux outils dont on dispose. Il faut que je m'arrête, c'est l'heure. Hein. Ou je peux prendre encore... Hein, attendez. Je regarde s'il y a autre chose que je voulais préciser. Ouais, non, bah voilà, non, je suis quasiment arrivé au bout. Ouais, par contre... Je sais que le cas par exemple, de Céline Alvarez est un cas qui prête à beaucoup de polémiques et peut-être qu'il vaut mieux même pas l'aborder. Mais je voulais peut-être surtout souligner le fait que ça fait longtemps hein, que notamment Bourdieu a souligné à quel point, si on veut limiter les inégalités, la meilleure chose à faire, c'est d'assurer des conditions d'apprentissage à l'école qui limitent l'impact des transmissions qui se déroulent hors de l'école. C'est seulement à cette condition qu'effectivement on peut espérer y arriver. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'expérimentations pédagogiques qui ont montré que c'était tout à fait possible, en créant de très bonnes conditions pédagogiques d'apprentissage, d'assurer ce qu'on appelle maintenant, ce qu'on désigne par la réussite de tous, c'est-à-dire le fait que quand on réunit ces conditions, tous les élèves, même ceux issus des milieux sociaux les plus défavorisés, réussissent nettement mieux que la moyenne habituelle. Ce qui montre bien que les facteurs extérieurs à l'école, effectivement, ont un poids important quand l'école a une action insuffisante, mais que dès lors que l'action est davantage garantie par de meilleures conditions pédagogiques d'enseignement, eh bien, on peut tout à fait réduire ces inégalités, en tout simplement en élevant le niveau général au-dessus de la moyenne. Voilà. Je vais peut-être m'arrêter là. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Des questions ? Oui. Je voulais vous demander, alors, moi je viens d'un milieu défavorisé. Et comme vous l'avez dit, moi, je vois mes parents en sixième, ils étaient déjà perdus, quoi. Et je suis arrivée au lycée, j'ai fait un bac ST2S parce qu'à la base, je voulais faire un bac S, on n'a pas voulu. Et j'avais des très bonnes moyennes, plus de 16 de moyenne, bref. Et j'ai voulu faire une licence de biologie, et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Sauf qu'en bac ST2S, on a voulu absolument soit faire, me faire passer les concours d'infirmière, soit les EDUXP. Et... mes professeurs et mon conseiller d'orientation m'ont dit qu'en gros, si j'allais en licence, j'arriverais pas et que j'aurais pas de diplôme et voilà, bref. Et je vois où vous voulez en venir et vous avez raison d'attirer l'attention sur ce genre de situation. Oui. Et je me suis dit, par rapport à l'inégalité d'orientation, forcément, toi, tes parents, ils sont bons, donc tu vas faire un bac S, et toi, tes parents, ils sont ouvriers, donc tu vas faire un bac pro. Et je me suis dit, l'échec scolaire viendrait peut-être de ça. Alors, je vais répondre tout de suite, parce que je pense que c'est une question bien spécifique, il vaut peut-être mieux répondre tout de suite. Effectivement, je sais que ça peut arriver. Moi, j'ai même un collègue qui est devenu professeur d'université, qui a été orienté en BEP, et comme par hasard, il était de milieu très défavorisé, issu d'immigration. Donc, je sais que c'est évident que ça peut exister, comme des cas qui existent. Mais quand on est sociologue, on regarde les tendances les plus lourdes statistiquement. Et ce qu'on voit quand on regarde, on voit que lorsqu'il y a un pronostic comme ça d'échec qui incite à dissuader de faire certains choix, ce pronostic d'échec, malheureusement, ce qu'on voit, c'est qu'il est quand même souvent fondé. C'est-à-dire que vous faites partie des cas qui a résisté à ce pronostic d'échec et qui a réussi, mais il y a beaucoup plus de cas qui eux, au contraire, échouent. En fait, on voit dans les taux d'échec que malheureusement... ce risque d'échec, il est souvent réel, même si vous, justement, vous êtes dans le cas où vous avez réussi à surmonter ce risque. Mais c'est pour ça que ce n'est pas contradictoire. Lorsqu'on étudie des cas précis, on trouve toujours des contre-exemples, en fait. Donc, vous êtes vraiment un contre-exemple qui montre qu'effectivement, ça peut arriver, et c'est vrai que ce n'est pas si rare que ça non plus, qu'il y ait une sorte de dissuasion qui aurait pu vous empêcher de faire quelque chose que finalement, vous avez réussi. Donc vous êtes un contre-exemple par rapport à ce que j'ai dit, je suis tout à fait d'accord, et j'admets tout à fait que ça existe. Mais j'attire l'attention sur le fait que c'est souvent ça qu'on met en avant, alors que statistiquement, on voit bien que le risque d'échec, malheureusement, il est réellement fondé, il y a vraiment un risque d'échec beaucoup plus grand pour les élèves de milieux socialement défavorisés. Voilà, c'est pas contradictoire. Mais je ne comprends pas pourquoi tout simplement les professeurs ou les conseillers d'orientation ne laissent pas les élèves faire leur propre choix, risque à ce qu'ils échouent, mais au moins ils auront fait leur propre expérience. Je comprends ce que vous dites, mais ce n'est pas si simple, parce que se lancer dans des études et échouer une année et rééchouer une année, c'est extrêmement pénible pour tout le monde, pour la personne elle-même, pour tous ceux qui voient ça. Et ce n'est pas étonnant que des gens estiment qu'il vaut mieux éviter ces épreuves à des gens. Vous vous dites, oui, il faut leur laisser leur chance, mais là, vous sous-estimez le fait que c'est extrêmement dur et pénible d'être un échec. Et ça, moi, je l'ai vécu, c'est extrêmement dur. Donc, c'est pas étonnant qu'il y ait cette attitude de se dire, je vais lui éviter d'être un échec. Il vaut mieux qu'il réussisse quelque chose d'un peu moins bien plutôt que de rater quelque chose qui est a priori plus ambitieux. Enfin, ça peut se comprendre quand même. C'est pas complètement irrationnel. Et vous comprenez ce que je veux dire ? Parce que après moi je vois en licence du coup en fin de L3 sur notre classe de 40 on a eu 15 qui ont réussi leur licence et les 5 premiers étaient tous de familles défavorisées. Et ceux qui ont réussi leur licence, mais au plus bas, étaient des enfants de familles plus aisées, entre guillemets. Alors là, je ne vais pas pouvoir répondre en détail, mais à chaque fois, selon les filières, il y a des facteurs différents qui peuvent jouer. Qui va dans cette filière? Pourquoi effectivement, ceux qui vont dans cette filière en étant de milieu favorisé, c'est plutôt des élèves qui finalement ne sont pas du tout en réussite? Enfin, là, il faudrait vraiment étudier même leur performance antérieure, qu'est-ce qu'ils font, depuis quand? Enfin, est-ce que pour eux, c'était une sorte de solution de secours? Enfin, là, il faut vraiment voir au cas par cas. Mais il y a d'autres filières où c'est tout à fait le contraire, hein. Et notamment dans l'accès aux grandes écoles, tout ça, quand on regarde les statistiques selon le milieu social et selon le genre aussi, c'est malheureusement complètement dans le sens d'un risque d'échec beaucoup plus grand pour les élèves de milieux défavorisés et pour les filles dans le cas des grandes écoles scientifiques, malheureusement. Donc tout dépend à chaque fois de la filière qu'on regarde, et les choses qu'on voit au niveau du bac peuvent être différentes de ce qu'on voit après. Moi, c'est vrai que mon domaine principal, c'est avant le bac, c'est jusqu'au bac, disons. Donc moi, c'est de ça que j'ai essayé de vous parler surtout. Une autre question? Du coup, je vais me permettre une question. Est-ce que tu penses qu'il y a eu beaucoup de changements d'un point de vue réglementaire et législatif sur l'inclusion, notamment des élèves en situation de handicap ou en grande difficulté d'apprentissage, qui du coup génèrent une forte hétérogénéité dans les classes, une hétérogénéité que les enseignants de mon âge n'ont probablement pas connue durant leur scolarité? Pour ma part, j'ai connu des classes plutôt de niveau dès le collège et pour lequel c'est le modèle en fait que je connais. Est-ce que ces changements-là, du coup, peuvent expliquer ce malaise, alors à la fois dans ce que j'ai connu comme système éducatif, et puis également dans les outils dont je dispose pour pouvoir répondre à cette hétérogénéité? C'est certain que c'est une des composantes du malaise. Bon, là, j'ai manqué de temps, peut-être j'aurais dû gagner du temps ailleurs, mais en tout cas, on peut énumérer une série de facteurs qui contribuent à créer une sorte de discordance finalement entre ce qu'on demande aux enseignants de réussir et ce qu'ils sont capables de réussir. Et on peut résumer les choses en disant que depuis 30 ans, on n'arrête pas à la fois d'élever les ambitions, c'est-à-dire on passe d'une réussite que d'une partie des élèves à une réussite de tous, c'est un énorme pas en avant qui déjà peut mettre en difficulté les enseignants, mais en plus de ça, on change énormément les programmes, ça je l'ai déjà dit, on inclut de plus en plus d'élèves qui ont des troubles particuliers et qui forcément complexifient le travail, sans que ça soit associé à des formations poussées dans ce domaine ou sans qu'il y ait des renforts en professionnels spécialisés pour supporter ce genre de difficultés. Donc là, on peut encore ajouter d'autres facteurs qui expliquent ce malaise. On peut ajouter le fait que les enseignants se plaignent énormément du fait que, un peu comme pour les obliger à faire des choses qu'ils ne réussissent pas à faire, on leur demande constamment de remplir des tableaux d'évaluation, de rendre des comptes, des projets. Et ils parlent de cette paperasse qui envahit leur travail et qui fait qu'ils ont encore moins de temps pour justement réussir à analyser, à comprendre et à résoudre les problèmes. Donc il y a tout un ensemble de facteurs, et y compris d'ailleurs les changements incessants. Chaque fois qu'il y a un changement de programme, de dispositif, de priorité, ça demande du temps et les enseignants français manquent cruellement de temps. Je crois que, je ne sais plus si c'était signalé dans un des tableaux, mais une des particularités de l'école primaire française, c'est justement que les enseignants ont beaucoup plus d'heures à assurer devant les élèves que la moyenne européenne sur toute l'année. Et puis par semaine, c'est encore plus flagrant, et par jour, c'est encore plus flagrant. Il y a des très, très longues journées. Donc toutes ces conditions sont défavorables d'un point de vue pédagogique et créent forcément de l'échec des élèves et des enseignants. Et les enseignants, évidemment, éprouvent le besoin de se protéger de ce sentiment d'échec par des choses qu'on peut analyser, hein, mais qu'il faut bien interpréter, me semble-t-il, dans ce sens-là, comme plutôt une sorte d'effet de rebond, des contradictions politiques entre ce qui est demandé aux enseignants et ce qu'on leur donne les moyens de vraiment pouvoir réussir. Voilà. C'est vraiment l'élément pour moi central. Alors, il nous reste 5 minutes, une question... Pour la dernière question, du coup. Merci. je vais pas te vouvoyer artificiellement. Tu as distingué la perspective 1 et 2 entre exposer les enseignants aux résultats de la recherche simplement ou chercher à mieux les outiller. Pour moi, la différence, elle est un peu subtile. Enfin, je pense la comprendre, mais je pense qu'elles ne sont pas contradictoires, qu'il faut d'abord les exposer aux résultats de la recherche pour qu'ils prennent conscience des décalages et qu'ils aient conscience qu'il n'y a pas forcément de fatalité. Et que les outils, oui, je pense vraiment qu'on peut mieux faire et dans la formation initiale et continue, et qu'on peut améliorer leur situation de travail par des politiques publiques et en révisant la logique de l'affectation et du mouvement. Mais je pense aussi qu'ils ont une part de créativité pour trouver les options. Alors c'est peut-être parce que moi-même je me sens trop démunie pour être prescriptrice de pratiques précises, mais voilà, est-ce que tu peux développer là-dessus? Oui, en fait, à mon avis, là, ce que tu dis fait bien apparaître les deux choses. Enfin, il y a un point sur lequel je ne suis pas tout à fait d'accord et l'autre entièrement d'accord. Là où je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est de penser qu'il faut commencer par les sensibiliser. S'ils sont complètement en échec, en déconfiture, épuisés, etc., ils ne vont même pas réussir à s'intéresser à des résultats de recherche. Ils vont juste être là, qui peut m'aider, voilà. Donc en ce sens-là, je pense, dans les cas extrêmes en tout cas, bon, dans les cas moins extrêmes, effectivement, ça peut attirer leur attention et puis les inciter à faire un cheminement. Mais pour moi, la deuxième chose que tu as dite, c'est pour moi, c'est déjà les outiller que de les encourager à... Enfin, de mettre en place un dispositif pédagogique dans tes groupes qui leur donne l'occasion de réfléchir et de chercher ensemble des solutions et parfois d'en trouver. Donc pour moi, c'est en plein dans cette idée de pas juste les exposer à des résultats de recherche, mais de leur donner les moyens de progresser et d'être moins en échec grâce à ça. Et effectivement, moi aussi, j'ai souvent été surpris par la capacité de trouver des solutions d'enseignants que je sous-estimais parfois. C'est-à-dire que voilà, faut au minimum les encourager. Mais aussi produire des situations qui se prêtent à des progrès. Et c'est exactement pareil pour les élèves. Moi, j'entends souvent les professeurs dire ils ont compris qu'il fallait être plutôt bienveillant, encourageant. Il y a des fois où ça peut suffire d'être très encourageant et d'encourager à chercher. Mais il y a plein de cas aussi où ça ne suffit pas du tout. Et où, en fait, si on encourage juste un élève en disant « oui, tu es capable », mais qu'il est toujours en échec, qu'il ne comprend toujours rien... Ça n'a aucun effet, l'encouragement, dans ce cas-là, si ce n'est de se dire qu'il a affaire à un professeur qui n'est pas malveillant avec lui, mais c'est tout. Et c'est un peu pareil, je pense, dans la formation, c'est-à-dire qu'il faut essayer d'associer la sensibilisation avec le fait d'outiller ou d'aider, en tout cas, à progresser dans l'outillage qui permet de résoudre les problèmes, parce que sinon, c'est tout à fait humain de se protéger de l'échec, de l'épuisement, d'une façon défensive et forcément un petit peu au détriment des élèves et des familles. Donc, je pense que c'est voilà, on n'est pas, c'est pas contradictoire. Hein. Toi, tu mets l'accent plus sur un aspect et moi un peu plus sur l'autre. Mais c'est vrai que ça se complète hein, quand même. Ben, c'est sûr que par rapport à comment outiller, on est plus ou moins toi-même outillé pour le faire en fait. Et ça peut évoluer avec l'expérience et puis selon. Voilà, c'est vrai qu'il se trouve que. Il se trouve que voilà, je ne vais pas revenir sur toutes les expériences qui font que je me sens outillé pour répondre à beaucoup de questions, pouvoir donner des conseils, en tant que tuteur, aller dans la classe, même aider à mettre en place des choses. Mais je pense qu'une des clés, c'est aussi il faudrait beaucoup plus prévoir des associations, des co-interventions auprès des professeurs débutants, entre des chercheurs qui, eux, effectivement, ont conscience d'un certain nombre de processus complexes, et des praticiens, des gens qui sont plus outillés pour... savoir comment traduire ça concrètement dans des pratiques et pouvoir conseiller ou au moins encourager à tenter des expériences auprès des enseignants. Et effectivement, les enseignants-chercheurs, beaucoup n'ont pas forcément tous les outils pour savoir, au-delà des résultats de recherche, comment outiller. Et là, pour moi, la clé, ça serait de développer des co-interventions pour que les compétences complémentaires des formateurs puissent allier les deux. C'est-à-dire la sensibilisation, la compréhension de processus complexes et en même temps l'outillage qui permet de ne pas être en échec. Parfait. Il me reste à remercier les deux conférenciers et à vous rappeler les deux prochaines conférences qui auront lieu assez rapidement. Esprit critique et croyances conspirationnistes, une intervention de Sylvain Delouvet le mercredi 20 novembre de 16h30 à 18h30. Et le lundi 25 novembre de 18h à 20h, une intervention de Claudine Leleu sur le jugement critique par la pratique de la discussion à visée philosophique, excusez-moi, en éducation morale et civique. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne journée. Au revoir.